23. Activation orale. Venir. Répondez selon l'exemple. Vous voyez. 1. Le Luxembourg. Vous entendez. 1. D'où venez-vous, vous deux? Et vous répondez. Nous venons du Luxembourg. À vous. 2. D'où viens-tu? Je viens du quartier latin. 3. D'où vient Robert? Il vient de l'hôtel. 4. D'où venez-vous, vous deux? Nous venons de l'Institut d'art et d'archéologie. 5. D'où vient Mireille? Elle vient de la cour de la Sorbonne. 6. D'où vient Robert? Il vient des États-Unis. 7. D'où viennent tes sœurs? Elles viennent du cinéma. 8. D'où vient Madame Bello? Elle vient du ministère de la Santé. 9. Et moi? Devinez d'où je viens. Vous venez de la fac?